Saviez-vous que l'on trouve dans les océans terrestres des traces de tous les éléments chimiques connus ? Oui, parce qu'avant d'être un endroit où faire trempette pour se rafraîchir l'été, l'océan mondial est avant tout une incroyable, immense usine physico-chimique qui brasse les éléments terrestres et atmosphériques dans des processus de conversion qui sont encore pour partie mal compris. Ce que l'on comprend bien en revanche, c'est que l'activité humaine depuis près de 2 siècles est en train de bouleverser cet équilibre. Résultat, l'océan se réchauffe, étouffe, s'acidifie. La dernière fois que cela s'est produit, 90% des espèces vivantes ont disparu. Océan, une usine physico-chimique qui se dérègle, c'est le problème que nous allons aborder tout au long de l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Laure Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'Université de Liège, vice-présidente du groupe international de recherche de l'UNESCO Global Ocean Oxygen Network. Votre équipe vient d'ailleurs de publier début janvier une étude dans la revue Science qui décrit l'ampleur planétaire des processus de désoxygénation des océans. On va bien sûr y revenir largement au cours de cette heure. Bonjour Laurent Bopp. Bonjour. Vous êtes océanographe et climatologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur Twitter et sur notre fil Facebook @laméthodefc. Alors il s'avère que c'est aujourd'hui, hasard du calendrier, la date anniversaire des 30 ans de la création du GIEC, le groupe sur le climat qui a été récompensé par un prix Nobel de la paix. Vous en revenez d'ailleurs, me semble-t-il, Laurent Bopp. Oui, j'y étais ce matin. Bon. Par ailleurs, au mois de décembre dernier, les Nations Unies ont décrété la prochaine décennie, à partir de 2021 jusqu'en 2030, décennie des sciences océaniques pour le développement durable. C'est une façon d'encourager les chercheurs ainsi que les décideurs politiques, les entreprises, la société civile, bref, tout le monde à se rassembler autour d'un programme commun de recherche et de coopération sur les océans. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, selon vous deux, une urgence à agir concrètement pour préserver les océans, Marie-Laure Grégoire ? Oui, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que l'océan est en changement, que l'océan est sous pression. Donc il y a d'une part évidemment le réchauffement global qui a des conséquences importantes au niveau de la circulation globale des océans, mais aussi au niveau des bilans biogéochimiques, des éléments de base comme le carbone, l'azote et l'oxygène aussi. Donc voilà le réchauffement global. Il y a aussi l'acidification des océans, étant donné que l'océan pompe une partie du CO2 atmosphérique. Il devient plus acide et cette acidification peut avoir des conséquences sur les cycles biogéochimiques et sur les organismes qui vivent dans l'océan. Et puis il y a aussi cette désoxygénation des océans dont on prend mesure de l'ampleur petit à petit et qui a aussi des impacts potentiels importants aussi bien sur les cycles biogéochimiques et sur la biodiversité. Alors c'est exactement les trois chapitres que nous allons aborder au cours de cette heure. La prise de conscience de l'ampleur du changement qui est à l'œuvre, qu'on commence à savoir quantifier, Laurent Bopp, elle est relativement récente encore. Je dirais qu'elle est relativement récente, vraisemblablement en raison de notre méconnaissance de ce système immense, en raison aussi de l'immensité justement de l'océan, qui fait qu'on a longtemps cru qu'il était, qu'il pourrait s'en sortir quoi qu'il arrive. On pourrait ajouter des polluants, on pourrait le réchauffer, on pourrait ajouter du CO2 et que finalement ces éléments se diluerait dans l'immensité du réservoir océanique. Et on est en train de se rendre compte que ce n'est pas le cas et que des propriétés fondamentales de l'océan sont en train de changer en réponse aux actions de l'homme. Que malgré son immensité, ce n'est pas un gage de stabilité à tout prix, en quelque sorte. Voilà, donc on se rend compte qu'il bouge, qu'il a bougé dans le passé, qu'il est en train de bouger encore. Alors, sa physique, sa chimie, on va parler de tout ça. Mais oui, qu'il faut faire attention à ce qu'il advient à l'océan. Je le disais de façon un peu alarmiste, mais c'est vrai que vous allez voir qu'à l'issue de cette heure, on n'est pas forcément très optimiste pour l'avenir. Mais la dernière fois que l'on a vu les phénomènes que vous décrivez, Marie-Laure Grégoire, c'est-à-dire anoxie, un peu privation d'oxygène, acidification et réchauffement, eh bien tout ça s'est déjà produit à une autre échelle géologique, évidemment, donc sur un temps beaucoup plus long, mais ça s'est produit eh bien, il y a plus de 250 millions d'années. C'est la plus importante extinction de masse de l'histoire de notre planète. C'était au Permien-Trias, Marie-Laure Grégoire. Oui, même si on n'arrive pas encore exactement à faire le lien entre les phénomènes anoxiques océaniques majeurs et la perte de biodiversité, biodiversité. Il y a toute une série de corrélations qui sont établies. Lorsqu'on analyse, par exemple, les roches sédimentaires et qu'on voit que les roches sédimentaires de cette époque montrent des traces noires de schiste qui montrent qu'il y avait un manque d'oxygène à ce moment-là, on fait un parallèle entre le manque d'oxygène et la perte de biodiversité. Alors, d'autre part, ce manque d'oxygène qui est intervenu à plusieurs reprises dans l'histoire est intervenu aussi, semblerait-il, à des époques où le climat est assez semblable, est un climat plus chaud et où la circulation globale avait été ralentie, la stratification était plus forte et donc et l'eutrophisation des eaux aussi était plus importante. L'eutrophisation, vous pouvez nous dire ce que c'est ? Donc l'eutrophisation des eaux, c'est un enrichissement en matière organique de la zone côtière, donc de la matière organique qui sont transportées du continent, qui arrivent dans la zone côtière de l'océan, qui doivent être dégradées par la chaîne bactérienne et qui consomment alors de grandes quantités d'oxygène, ce qui conduit alors à la diminution d'oxygène dans l'océan. Donc tous ces processus-là, ils ont été mis aussi en évidence dans le passé. Il y a justement un papier qui vient de sortir et qui montre qu'il y a un parallèle qui existe. Donc même si on ne peut pas faire de raccourcis, c'est certain, il y a des signaux qu'il faut prendre au sérieux. C'est votre avis aussi, Laurent Bob ? Oui, on a quelques exemples dans le passé. Évidemment, ce ne sont pas des analogues de ce qu'il pourrait advenir au cours des prochaines décennies. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle on enregistre ces changements. Les crises passées, les crises de la biodiversité dont on parle, au Permien-Trias ou la crise Katée, dont vous avez peut-être déjà parlé dans cette émission, sont des crises qui se sont déroulées sur des temps finalement assez longs par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Par de dizaines de milliers, voire de millions d'années en tout et pour tout. Donc c'est vraiment effectivement très long. Donc ce qui frappe aujourd'hui, c'est la rapidité du changement auquel l'océan a à faire face. Alors justement, et on va reparler un peu de cet océan et vous allez voir effectivement de cette... on parle d'usine physico-chimique, biochimique même faudrait-il dire pour prendre en compte aussi évidemment l'importance de la biodiversité que recèlent les océans. Vous allez voir que c'est effectivement une machinerie extrêmement complexe. Est-ce qu'on peut faire une sorte de carte d'identité de l'océan quand on va parler de l'océan, parce qu'on va parler de l'océan mondial, c'est-à-dire de cette surface d'eau qui recouvre 360 millions de kilomètres carrés sur une moyenne de profondeur de 4 kilomètres. Comment est-ce qu'on la définit? Quel est le point commun aujourd'hui et l'état de nos connaissances sur cette vaste surface d'eau salée qui recouvre la planète? Marie-Laure Grégoire, pour commencer. Donc l'état de nos connaissances est en train d'augmenter de manière drastique. Alors pourquoi? Parce que notamment on a assisté cette dernière décennie à une révolution des systèmes d'observation. Et observation aussi bien spatiale, donc satellitaire, donc les satellites qui se sont développés de manière considérable, qui nous fournissent une information à échelle de temps toujours plus fine, à échelle spatiale toujours plus fine, sur un certain nombre de variables. Donc, ils nous donnent une information sur la température de surface, sur l'élévation de la surface de l'eau, sur le niveau de production dans l'océan. Donc, il y a une connaissance qui s'affine petit à petit. Et sur le site aussi, on a eu notamment le développement de flotteurs profileurs, les flotteurs profileurs Argo, qui nous donnent une information à travers l'océan mondial sur ce qui se passe sur toute la colonne d'eau, au niveau de la température, de la salinité, de l'oxygène, de la chlorophylle par exemple, et tout le nombre de variables qui peuvent être échantillonnées est en train d'augmenter au fur et à mesure que les techniques augmentent. Et ça va très vite et ça augmente de manière exponentielle nos connaissances. Et en parallèle avec ça, on a aussi évidemment les modèles mathématiques qui se sont beaucoup développés, qui ont toujours leurs limitations, mais qui aussi se développent, qui savent résoudre de plus en plus et qui intègrent ces observations au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Donc voilà. Ça c'est effectivement la quantité d'informations dont nous disposons aujourd'hui. On va voir que par ailleurs, sur la chimie précise, il y a encore des éléments qui nous manquent. Notre connaissance n'est pas encore totale. Laurent Bob, comment est-ce qu'on pourrait définir cet espace aussi différent, aussi varié, qui va des eaux chaudes de l'océan Indien aux eaux glaciales de l'océan Austral? Quels sont les points de convergence qui définissent cette gigantesque écosystème planétaire? Alors on parle des deux tiers de la surface de la planète, donc c'est un milieu qui... Le milieu majoritaire à la surface de la planète. Vous avez dit à peu près 4000 mètres de profondeur, donc c'est un très très gros volume. Alors maintenant, si on s'intéresse aux deux premières variables qui permettent de décrire l'océan, c'est la température et la salinité dont on a déjà parlé. Ce qu'on peut dire sur la température, c'est que finalement, il y a des fortes variations de température. Les eaux polaires peuvent descendre jusqu'à moins 2 degrés à peu près. Et puis à partir de moins 2 degrés, ça gèle et la glace de mer se forme. Et puis les eaux les plus chaudes, dans l'océan ouvert, c'est de l'ordre d'une trentaine de degrés. Donc même si c'est très variable, entre moins 2 et 30, c'est quand même moins variable que les températures de l'atmosphère, qui peuvent descendre beaucoup plus bas et qui peuvent aussi monter beaucoup plus haut. Donc là, on parlait des températures surface. Dans le fond de l'océan, on a une température finalement assez homogène, autour de 2 à 4 degrés. Et donc, c'est relativement homogène dans l'ensemble de l'océan mondial, dans le fond de l'océan. Ça, c'est pour la température. Pour la salinité, et c'est finalement aussi étonnant, on a une assez grande homogénéité de la salinité dans l'eau de mer. On est autour de 35 grammes par litre d'eau de mer ou par kilogramme. Pour 1000, oui. On parle de 35 pour 1000. 35 pour 1000, on peut dire aussi. Principalement, c'est du chlore et du sodium, c'est peut-être le ça, sel. À peu près 30 grammes, c'est NaCl, le sel, NaCl, ouais. Dont on parle. Mmh. Voilà, et donc évidemment, il y a des variations autour de ces 35 grammes, ou pour 1000 grammes par kilogramme, ou pour 1000, peut-être de 34, 32 dans certaines zones qui sont très peu salées, jusqu'à peut-être 35, 36, 37 dans des zones salées, la Méditerranée, par exemple, une mer très salée. Et ces petites variations de salinité, en fait, qui paraissent petites, elles ont une grande importance sur la densité de l'eau de mer et donc sur la mise en place des circulations et du mélange des différentes masses d'eau. Donc voilà, donc c'est un milieu avec des températures assez variables, un milieu salé, et cette température et cette salinité sont les deux variables qui vont piloter en grande partie la circulation de l'océan. Et la circulation de l'eau de l'océan, dont on va voir qu'elle a d'importantes conséquences sur la régulation du climat de la planète en général. Mais Marie-Laure Grégoire, vous vouliez ajouter quelque chose avant ça? Je voulais ajouter qu'au niveau des mers régionales, on a un rôle aussi prépondérant qui a été joué par la salinité. Et si vous prenez par exemple une mer européenne qui est la mer Noire, au départ c'est un lac d'eau douce qui recevait les apports d'eau douce venant de rivières importantes comme par exemple Danube. Et puis il y a plus ou moins 10 000 ans, donc au moment de l'Holocène, il y a eu alors le Bosphore qui s'est ouvert. Et donc les eaux salées de la Méditerranée sont alors entrées en mer Noire et alors créées une différence verticale importante de salinité, un gradient vertical important de salinité qui a complètement changé la biogéochimie de la mer Noire. Pourquoi ? Parce que alors on s'est retrouvé dans une situation où les eaux douces, légères, avec une salinité de l'ordre de 20 à 22, parce que c'était les eaux qui venaient des rivières, qui se mélangeaient un petit peu, se retrouvaient au-dessus des eaux plus salées, qui ont une salinité beaucoup plus élevée, 36 pour la Méditerranée, comme Laurent l'a dit. Et donc, cette différence importante de salinité constitue une barrière au mélange vertical. Et donc, ça a eu pour conséquence que le mélange vertical en mer Noire, depuis l'ouverture du Bosphore, n'a plus pu se faire au-delà de 100 mètres de profondeur, avec comme conséquence qu'au-delà de 100 mètres, vous n'avez plus d'oxygène du tout, et vous avez du sulfide d'hydrogène. Donc cette salinité est extrêmement prépondérante. Dans la zone côtière, elle a un rôle essentiel parce qu'elle peut jouer le rôle de barrière verticale, de barrière au mélange vertical, et donc changer complètement la dynamique du système et créer des réductions de la ventilation des eaux. Et quand on parle de salinité, il faut bien préciser qu'effectivement, on ne l'entend pas juste au sens de NaCl, c'est-à-dire juste de sel d'eau de mer, mais qu'on parle des sels et des sels minéraux. On trouve du chlore, du sodium, des sulfates, du magnésium, du potassium et du calcium pour les principaux éléments, pour les principaux ions, parce que ce sont des ions, si on veut être précis, que l'on trouve dans les océans terrestres. Oui, et une question fondamentale sur la salinité, finalement, c'est pourquoi l'océan est salé et d'où vient ce sel qu'on retrouve dans l'océan ? Et il y a beaucoup de légendes autour du sel dans l'océan. Pourquoi est-ce que l'océan est salé ? Et finalement, ça paraît un peu paradoxal, mais le sel est apporté à l'océan par les rivières, qui pourtant ne sont pas salées. Et alors pourquoi ? C'est simplement parce que les rivières, elles apportent un tout petit peu de sel à l'océan, qui vient de la dissolution des roches sur les continents. Et en fait, le sel, il est piégé dans l'océan parce que les termes de puits qui vont retirer du sel à l'océan sont aussi tout petits. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve du sel dans l'océan. C'est un réservoir qui va stocker cet apport de sel qui vient des continents. Étonnant. Depuis des milliards d'années, par ailleurs. Depuis donc, il y a un effet temporel. Voilà, c'est ça. Pour avancer aussi également, pour dire un mot, et c'est très important, on va le voir tout à l'heure, sur le rôle des océans. On en a parlé ici. On va vous mettre évidemment les liens vers les émissions sur le fil Twitter de la méthode scientifique, à la méthode FC. Mais sur ces courants, la régulation thermique, comment est-ce que ça se produit et pourquoi est-ce qu'elle est si importante à l'échelle planétaire, Laurent Bopp ? Alors l'océan, c'est une énorme machine thermique. C'est une énorme machine thermique parce que sa masse est très importante, beaucoup plus importante que la masse de l'atmosphère. Et l'eau a une capacité de stocker de l'énergie, de la chaleur, plus importante que l'air. C'est pour ça que l'air est plus chaud, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, que ne l'est l'océan au niveau planétaire. C'est pour ça que l'océan régule les variations de température dans l'atmosphère. En hiver, quand on est près de la mer, il va faire moins chaud en raison de la présence de l'océan. Et puis en été, il va aussi faire moins froid en hiver et moins chaud en été. Ça. Donc ça régule les variations de température. Alors on s'intéresse beaucoup à l'évolution du stockage d'énergie dans l'océan aujourd'hui. On s'est rendu compte que plus de 90% de l'énergie additionnelle dans le système climatique en raison du réchauffement climatique était stockée dans l'océan. Et donc finalement l'océan permet de réguler la vitesse à laquelle l'atmosphère se réchauffe. Une partie de cette énergie va être stockée dans l'océan profond, en raison des courants en particulier. Et parce que l'énergie est dans l'océan profond, elle ne réchauffe pas l'atmosphère, elle ne réchauffe pas les continents, elle ne fait pas fondre les calottes polaires. Donc il y a une importance très grande de la machine thermique océanique dans la régulation climatique. Et puis peut-être un mot pour conclure cette carte d'identité, c'est aussi l'extrême importance de l'océan pour absorber le dioxyde de carbone atmosphérique, hein, puisqu'on dit souvent que les forêts sont le poumon de la planète. Marie-Laure Grégoire, il faudrait plutôt dire que les océans sont le premier poumon de la planète, bien avant les arbres. Les océans absorbent une grande partie du carbone atmosphérique. On peut considérer qu'en gros, un quart des émissions est absorbé par l'océan, l'autre quart par la biosphère terrestre et le reste reste dans l'atmosphère. Donc les océans sont de bons séquestrateurs du carbone atmosphérique pour toute une série de raisons. Parce que lorsque le dioxyde de carbone va passer dans l'océan, il va se transformer en des composés acides. Et alors ça va faire en sorte que la saturation des eaux n'est pas atteinte rapidement et qu'une grande quantité de CO2 peut passer dans l'océan sans atteindre une saturation rapide, parce qu'il y a toute une série de chaînes de réactions qui se mettent en place. Mais la conséquence, c'est évidemment que le pH des eaux va augmenter, et donc c'est l'acidification des océans. Le pH va baisser. Pardon, le pH va baisser. Oui, parce qu'il y a deux types, et il faut dire, puisque justement ça va nous amener à notre reportage du jour, il y a deux types de capture du CO2 atmosphérique dans l'océan. Il y a une façon totalement physique de capture, et puis il y a aussi une façon biochimique, grâce précisément aux microalgues et à la végétation océanique. Oui, alors d'abord, pour revenir sur ce puits de carbone océanique, on a dit à peu près 25% des émissions anthropiques de carbone qui sont absorbées par l'océan. Autant sur les continents, le puits de carbone continental dont a parlé Marie-Laure est un puits biologique. C'est parce que les plantes, les arbres font plus de photosynthèse que de respiration qu'on a une absorption de carbone. Dans l'océan, ce puits de carbone est d'abord lié à un processus physico-chimique de dissolution du CO2 qui est en excès dans l'atmosphère. Alors effectivement, une fois que le CO2 pénètre dans les eaux de surface et qu'il va s'hydrater, se combiner à des molécules d'eau, il y a un certain nombre de réactions chimiques, mais il peut aussi être utilisé par le plancton, par les micro-algues. Et ces micro-algues vont fabriquer de la matière organique à partir du carbone, et une partie de ce carbone, sous forme de matière organique, va pouvoir chuter vers les profondeurs de l'océan. Mais peut-être il faut retenir que ce puits de carbone océanique, avant de parler de la biologie, c'est d'abord un processus physico-chimique. Tout à fait. Peut-être qu'on peut redire aussi un mot rapidement de ce cycle du carbone océanique, parce qu'effectivement, à travers la pompe physico-chimique et à travers les micro-organismes, c'est un cycle extrêmement régulé qui va être important tout à l'heure quand on va parler de la diminution de la biodiversité, de l'acidification. Voilà, donc on représente de façon un peu schématique le cycle du carbone dans l'océan par deux pompes. Une pompe physique qui est liée au fait que les eaux froides chargées en carbone vont plonger en profondeur, et puis une pompe biologique qui est liée à ce dont je parlais tout à l'heure, le fait que le plancton va absorber une partie de ce carbone et que cette matière organique va chuter vers le fond. Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que l'océan est un énorme réservoir thermique d'énergie, c'est aussi un énorme réservoir de carbone, et dans l'océan est stocké 50 fois plus de carbone que ce qu'on trouve dans l'atmosphère. Et ça, c'est possible parce que le carbone dans l'océan, on ne le retrouve pas majoritairement sous forme de CO2, comme il l'est dans l'atmosphère. Et c'est parce qu'une fois que le CO2 est dans l'océan, il va se combiné avec des molécules d'eau pour donner des ions bicarbonate et carbonate qui participent à la salinité d'ailleurs. Et c'est dans cette forme-là que le carbone est stocké dans l'océan. Ça permet à l'océan de stocker une énorme quantité de carbone. Et ces carbonates qui vont être aussi majoritairement utilisés par les micro-organismes, par les micro-algues, par la vie aquatique, par la flore et par la faune. On va en parler dans un instant. On peut aussi dire, c'est assez intéressant de savoir, vous l'avez évoqué Laurent Bob, que les océans les plus froids capturent le carbone, alors que les océans à l'équateur, au contraire, eux, en relâchent un peu l'atmosphère. Oui, alors on n'a pas parlé de la solubilité qui est en lien avec la température. Donc plus les eaux sont froides, plus la solubilité du gaz dioxyde de carbone, d'ailleurs de tous les gaz, augmente. Et donc ça permet aux eaux froides de capter plus de CO2. Et il y a un deuxième phénomène important, c'est que ces eaux froides, elles sont plus denses parce qu'elles sont plus froides. Et donc elles ont tendance à plonger et à emmener avec elles le carbone qu'elles viennent de capter. Donc il y a une importance de la température et de la circulation en lien avec cette température dans la régulation du carbone dans l'océan. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, vous n'écoutez pas une émission d'ASMR, mais vous écoutez La Méthode Scientifique et nous parlons des océans tout au long de cette heure et précisément de cette gigantesque usine biochimico-physique qui est en train d'être perturbée par l'activité anthropique. Nous en parlons avec Marie-Laure Grégoire et Laurent Bob. Alors nous venons de voir en quelques minutes comment l'océan mondial fonctionne lorsqu'il n'est pas perturbé, lorsque tout va bien, quels sont les cycles de cette gigantesque usine. Voyons maintenant ce qu'il advient lorsque l'on injecte dans cette usine, comme nous le faisons depuis pas loin de 2 siècles maintenant, des quantités massives de CO2, de polluants et d'autres matières comme des nitrates, de l'azote ou des matières plastiques. Que se passe-t-il ? Eh bien, on va commencer avec vous, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous qui surfez la vie comme une vague, vous êtes rendu au Muséum d'Histoire Naturelle pour voir comment les diatomées, qui sont de microscopiques algues marines, réagissent à ces changements. Oui, et ces micro-algues unicellulaires au superbe squelette composé de silice, je vous invite à aller voir des photos sur internet, c'est vraiment très beau. Eh bien, ces micro-algues, elles sont présentes aussi bien dans les eaux douces que dans les océans et elles jouent un rôle essentiel dans la production de l'oxygène que nous respirons. J'ai donc rencontré Pascal Lopez, qui est chargé de recherche CNRS au sein de l'unité biologie des organismes et écosystèmes aquatiques au Muséum d'Histoire Naturelle. Il nous explique comment les diatomées recyclent le CO2 qui arrive dans les océans, mais aussi comment, avec son équipe, ils ont étudié en laboratoire les conséquences au long cours de l'acidification des océans sur les diatomées. Dans les océans, il faut comprendre de ce qui est la production primaire, c'est-à-dire la capacité des organismes à transformer le carbone atmosphérique en matière organique, en carbone utilisable, donc qui est issu de la photosynthèse. Ça, tous les organismes photosynthétiques sont capables de faire ça. Cette production primaire, à l'échelle du globe, en fait, 50% globalement vient de la Terre, c'est-à-dire de l'activité de photosynthèse des arbres, et 50% vient du milieu marin. D'accord ? Donc une molécule d'oxygène sur 2 vient de la mer. Les diatomées représentent environ la moitié, en gros 40% de ce qui est produit dans la mer. Et donc effectivement, ils ont une importance capitale pour le cycle du carbone à l'échelle mondiale. On parle beaucoup d'acidification des océans, de désoxygénation des océans. Quelle est la fonction des diatomées dans ce cadre-là ? Est-ce qu'elles sont atteintes particulièrement par ces phénomènes de changement assez rapides qui touchent les océans ? Alors, les diatomées vont être atteintes comme bon nombre d'organismes photosynthétiques. D'accord ? Il y a différentes études qui ont été faites. Il va y avoir différents rôles. D'une part, le rôle de la présence de plus de CO2 globalement dissous dans l'océan. Et globalement, c'est positif pour des organismes photosynthétiques, puisqu'ils ont plus de carbone, donc ils peuvent faire plus de photosynthèse, et effectivement, ça croît, et croît plus vite. Donc il y a certaines projections qui donnent qu'effectivement, la quantité d'organismes photosynthétiques va croître, avec des variations assez différentes entre les espèces. C'est pas forcément les diatomées qui vont gagner, du moins peut-être au début, mais pas sur le long terme. Et donc, par contre, cette acidification des océans, globalement, peut avoir aussi des impacts assez négatifs, même à l'échelle de l'organisme, avec des modifications de la photosynthèse, cette fois-ci pas positive, mais négative, parce que on modifie, en gros, la chimie à l'intérieur de la cellule. Et donc, ça peut être montré que ça va modifier différents processus physiologique pour les organismes. Quel type de processus, justement ? Donc, ça peut modifier la quantité d'acide gras synthétisé par les organismes. Ça peut modifier donc la photosynthèse, comme je l'ai dit, l'incorporation du carbone, la régulation de ce qu'on appelle l'homéostasie de pH, un terme un peu compliqué, qui veut simplement dire nos équilibres acide-base à l'intérieur de la cellule, et c'est assez capital. Et ça va modifier aussi la morphologie du squelette et la capacité de ces diatomées à produire un squelette et la densité du squelette. Et ici, au laboratoire, comment vous travaillez là-dessus ? Il me semble que vous avez mené une expérience où vous avez un peu recréé des conditions d'acidification d'océan pour voir un peu le comportement de ces diatomées. Comment vous avez fait et comment vous y êtes pris ? Alors, nous, dans un premier temps, on voulait vraiment faire des études à l'échelle de la cellule, d'une cellule en particulier, pour vraiment comprendre et isoler une modification à la fois de ce qui se passe dans l'environnement. C'est relativement important parce que dans l'environnement, les diatomées, elles vivent pas seules. Il y a constamment des bactéries et d'autres organismes qui interagissent. Et nous, on voulait limiter la quantité d'effets. Donc, ce qu'on a pris, c'est on a pris des diatomées, différentes espèces de diatomées, dans des conditions que l'on appelle axéniques, c'est-à-dire qu'il n'y a que la diatomée, il n'y a pas de bactérie qui vit avec, elle est toute seule dans le tube à essai, et on l'a fait pousser à différentes conditions de pH, un pH environnemental aujourd'hui, 8,1 le pH de la mer, et on est descendu jusqu'à un pH de 7,2, une unité de pH en moins pour essayer de prédire ce qui allait se passer, et on a regardé les conséquences à tous les niveaux d'échelle pour la cellule. Les niveaux d'échelle, ce qu'on a regardé, c'est la morphologie du squelette, qui est très importante, le temps de formation du squelette, les gènes qui bougeaient, la capacité photosynthétique et différents processus physiologiques pour essayer de comprendre l'ensemble des conséquences d'une acidification. Et on a vu des modifications à peu près à tous les niveaux d'échelle qu'on a regardés, ou presque, c'est-à-dire des modifications assez importantes sur le squelette. Alors, pas tant sur la morphologie, il était toujours aussi beau, parce que les squelettes des diatomées, vraiment, c'est vraiment beau. C'est des squelettes en verre. En ouais, fait. C'est de la vitre, c'est la même propriété, la même transparence qu'une vitre, c'est prodigieux. Donc, on a vu effectivement des modifications de la morphologie aux petites échelles, aux nanomètres près, et éventuellement une évolution des échanges intérieurs-extérieurs de la cellule. On a vu une modification de la capacité photosynthétique des cellules, et aussi un grand nombre de gènes qui étaient dérégulés, dont l'expression changeait avec cette acidification. Donc une fragilisation un peu généralisée. Une fragilisation un peu généralisée pour certaines études en laboratoire. En fait, l'une des prédictions aussi que l'on prévoit sur l'impact possible des modifications environnementales, c'est que différentes espèces, même à l'intérieur d'un phylum, vont avoir des comportements assez différents. Nous, on a regardé dans d'autres expériences deux espèces, une espèce de diatomée dite côtière, qui a été isolée dans les côtes, et une espèce dite océanique. On a regardé leur réponse et au pH et à la salinité, par exemple. Eh ben, elles avaient toutes les deux des réponses assez différentes. Et dans ces projections sur le climat du futur, on conçoit que différentes espèces de diatomées, hein, je suis vraiment à l'espèce près, le même genre, mais une bête un petit peu différente, vont avoir des comportements différents. Et pour les diatomées, peut-être que c'est les plus grosses diatomées qui vont s'en sortir mieux que les plus petites. Ces études restent quand même relativement difficiles, d'une part à réaliser, et d'autre part à pouvoir faire des projections à partir des études qu'on a faites, puisque même si nous, dans certains cas, on a fait des études sur une adaptation pendant 2 ans, ce qui fait près de 800 générations, donc pour l'être humain, ce serait quand même assez vieux, on est loin, effectivement, des processus de transformation qui peuvent avoir lieu sur un siècle. Donc la chose est très importante. Effectivement, l'acidification des océans est quelque chose de dramatique à l'échelle de la planète, puisqu'on n'a jamais vu, effectivement, un tel taux d'acidification. Le processus reste quand même relativement lent par rapport à ce que nous, on peut essayer en laboratoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypothèses de prédiction. Et avec les faiblesses de ces hypothèses, il faut multiplier le nombre d'expériences pour arriver à mieux comprendre le devenir, effectivement, et des diatomées, évidemment, des autres espèces dans l'océan. Voilà le reportage du jour sur ces diatomées au Muséum National d'Histoire Naturelle par Antoine Beauchamp. Si vous voyez prendre des notes de manière très studieuse l'un et l'autre, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Marie-Laure Grégoire ? Mais je crois que c'est un problème critique qui est extrêmement difficile à quantifier, à estimer la capacité d'adaptation que pourront avoir les différents organismes qui vivent dans les océans. Donc il y a toute une série d'expériences en laboratoire qui sont faites pour essayer de quantifier cette capacité d'adaptation à l'acidification, à la désoxygénation, etc. Maintenant, les questions difficiles, c'est voir comment traduire les résultats de ces expériences pour faire des projections à plus longue échéance, puisque ce sont des expériences qui sont souvent réalisées dans des conditions de laboratoire, confinées, à des échelles de temps réduites. Et puis après, il faut voir, comme c'est d'ailleurs mentionné très justement dans le reportage, que va-t-il se passer à l'échelle d'un siècle? Comment les espèces peuvent évoluer éventuellement pour s'adapter aux modifications qu'il pourrait y avoir? Mais c'est des choses extrêmement importantes, parce que pour le moment, dans les projections qui sont faites, cette capacité d'adaptation, on en tient compte de manière extrêmement sommaire. Donc c'est encore une inconnue importante et qui a toute son importance pour comprendre justement le rôle potentiel de l'océan dans la séquestration du CO2 en fonction de cette capacité d'adaptation des organismes, cette photosynthèse qui pourrait être faite, et aussi de cette sédimentation après de la matière organique vers le fond, qui va dépendre notamment de la calcification possible des individus, puisque quand vous avez une calcification, vous avez une augmentation alors de la vitesse de chute des cellules vers le fond, et donc la séquestration peut changer. Ou une impossibilité de calcification dans les plus hautes sphères des océans, précisément à cause de l'acidité qui augmente. Une réaction de votre part, Laurent? Oui, je trouve que ce reportage illustre très bien la complexité des systèmes biologiques. Alors, ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est qu'il y a des choses qu'on sait. Et il y a des choses qu'on peut prévoir ou projeter de façon assez robuste, et en raison de notre connaissance théorique des processus physico-chimiques dont on parlait. Donc, projeter l'évolution du pH de l'océan en fonction d'un scénario d'évolution du CO2 dans l'atmosphère, ça, on sait le faire de façon assez précise. On utilise plusieurs outils numériques, les modèles dont parlait Marie-Laure, et ils sont tous d'accord. En surface de l'océan, on sait projeter l'évolution du pH en fonction du CO2. Donc, une baisse de pH de 0,3, 0,4 unités pH à la fin du siècle, pour le scénario haut du GIEC, donc un scénario où le CO2 dans l'atmosphère augmente jusqu'à 1950 ppm à peu près. Donc ça, on sait le faire de façon assez précise. Dont on sait aujourd'hui que ce scénario haut du GIEC est finalement peut-être pas un scénario si haut que cela, et qu'il a plutôt été révisé à la baisse comme scénario haut. C'est-à-dire que finalement, à la fin du siècle, il pourrait y avoir plus de CO2 que cela, non? Non, je crois quand même qu'il faut être un petit peu plus optimiste que vous ne l'êtes. On est sur la trajectoire du scénario haut, donc c'est ce qui nous laisse penser que peut-être il faudrait même envisager des scénarios encore plus hauts que le scénario haut. Mais il y a quand même quelques signaux positifs. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une publication récente qui montre les derniers chiffres des émissions de CO2. On a, au cours des 2-3 dernières années, une baisse de l'accélération qu'on avait observée au cours des années 2000. Donc il y a des signaux positifs. Très bien. Donc, je ne suis pas pessimiste particulièrement, voilà. Mais c'est bien d'entendre que c'est bien de ne pas forcément être pessimiste. Oui, donc il y a des choses très robustes. La projection du pH de l'océan de surface, quand on s'enfonce dans l'océan, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut tenir compte des courants, de la modification des courants qui vont amener ce carbone additionnel en profondeur. Et ensuite, on a toute la partie biologique qui, là, comme l'illustre très bien le reportage, est... C'est l'inconnu finalement. Est-ce que même pour une série d'espèces comme les diatomées, est-ce qu'elles vont réagir de façon positive ou de façon négative à l'acidification? Même ça, on a du mal à le savoir. Sur certaines, peut-être sur d'autres espèces, en particulier les espèces qui calcifient, il y a peut-être des choses un peu plus claires. Mais on voit qu'il y a encore une très très grande inconnue, sans même parler de l'adaptation et des échelles de temps dont parlait Marie-Laure. Marie-Laure Grégoire, vous vouliez réagir? Oui. Je voulais réagir, mais peut-être qu'on peut le faire par la suite. Laurent mentionnait qu'effectivement, les modèles sont capables de prédire le pH, l'évolution du pH à la fin du siècle. C'est vrai que pour la biogéochimie, les modèles ont des capacités de prédiction qui sont... tout à fait correct. Par contre, pour l'oxygène, il reste quand même toute une zone d'ombre, notamment dans les zones de minimum d'oxygène, où là, les modèles ne sont pas tout à fait d'accord, mais peut-être qu'on va y revenir. On va y revenir dans un instant. D'accord. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Thank you. À 16h35 de Si, de Morshiba sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque nous parlons d'océan tout au long de cette heure et précisément de toutes les mécaniques biophysico-chimiques qui sont à l'œuvre dans l'océan et des répercussions que cela peut avoir et bien sur le climat, sur la faune, sur la flore océanique et puis in fine sur nous pauvres humains. Qu'allons-nous faire avec un océan acidifié? Qu'allons-nous faire avec un océan anoxique sans oxygène? C'est avec Marie-Laure Grégoire qui est directrice de recherche à l'université de Liège, vice-présidente du groupe international de recherche UNESCO Global Ocean Oxygen Network, dont nous allons parler dans un instant, et avec Laurent Bopp, océanographe, climatologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace, que nous en parlons tout au long de cette heure. Alors justement, parlons un peu de l'oxygène, de cette anoxie. Il y a des cartes qui ont été publiées très récemment, notamment par vos équipes, Marie-Laure Grégoire, qui sont assez inquiétantes. On constate aujourd'hui concrètement que l'océan, plus ça va, plus il étouffe, moins il a d'oxygène qui se dissout à l'intérieur, notamment sur les côtes, mais aussi dans certaines zones de l'océan profond. Donc ça fait déjà quelques années qu'on se rend compte que la quantité d'oxygène diminue aussi bien dans l'océan ouvert que dans la zone côtière. Donc l'étude qu'on a menée a tenté de synthétiser ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas au sujet des causes, des conséquences et des solutions possibles pour lutter contre la désoxygénation des océans. Donc voilà, dans l'océan côtier, quel est l'état des lieux? Dans l'océan côtier, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis la moitié du siècle dernier, le nombre de zones avec des conditions d'oxygène déficientes a augmenté de manière quasi exponentielle. Bon, maintenant, on peut peut-être nuancer parce que c'est vrai que on contrôle de plus en plus. Donc du coup, fatalement, plus on cherche, plus on va trouver. Mais le fait est que si vous regardez une carte mondiale avec la distribution des sites où vous avez des problèmes d'oxygène le long de la côte, vous verrez énormément de points rouges, vous verrez environ 500 sites. On vient de les poster sur le fil Twitter, voilà. On a posté cette carte sur notre fil Twitter, @lamethodefc, donc nos auditeurs peuvent s'y rendre s'ils veulent l'avoir sous les yeux. Voilà, donc voilà, c'est un problème mondial, donc au niveau de la zone côtière. Dans l'océan ouvert, c'est la même chose. Alors si on veut quantifier, grosso modo, on estime que l'océan a perdu entre 1 à 2% de son contenu d'oxygène. Donc ça représente environ 70 milliards de tonnes d'oxygène qui ont été perdues depuis le milieu du siècle dernier. Donc c'est ce que l'étude a montré, 1 à 2%. 1 à 2%, ça peut paraître pas énorme, mais il faut savoir que il y a une variabilité spatiale dans ces pertes d'oxygène. Il y a des régions où c'est plus que 1 à 2%. Et il faut aussi savoir que la quantité d'oxygène disponible dans un litre d'eau de mer à saturation est environ 35 fois moins importante que la quantité d'oxygène dans un litre d'air. Donc ça vous donne déjà une idée de l'efficacité que doivent avoir les organismes pour justement pomper cet oxygène. Vous dites la moyenne c'est 1 à 2% de diminution, ça veut dire que les maximums de diminution que vous avez pu constater dans votre étude sont de combien ? Donc c'est ceux qui ont chiffré ces diminutions, c'est pas nous. Non, ce qu'on a fait, c'est synthétiser. Et ce qu'ils ont observé, c'est des diminutions au-delà de 5% de chute dans la quantité d'oxygène. Et voilà, les zones où ça diminue plus, c'est par exemple le Pacifique équatorial. C'est aussi l'océan austral du Sud. Et c'est aussi l'océan Atlantique du Sud et l'océan Arctique. Donc ce sont les régions où la diminution est la plus importante. Laurent Bopp. Oui, alors pour l'oxygène, contrairement à ce qu'on racontait pour le carbone, où on a un énorme réservoir de carbone dans l'océan et puis un tout petit réservoir atmosphérique, pour l'oxygène, c'est l'inverse. On a un très gros réservoir dans l'atmosphère et l'océan est finalement très pauvre en oxygène, avec des zones où il n'y a quasiment pas d'oxygène du tout. Et donc c'est pour ça qu'on s'inquiète de l'évolution de l'oxygène dans l'océan. Peut-être un mot de plus sur les mécanismes qui pourraient expliquer pourquoi l'océan ouvert perd de l'oxygène. Parce que sur l'océan côtier, peut-être on peut dire que sur l'océan côtier, on connaît à peu près les mécanismes, Marie-Laure Grégoire, qui conduisent à de l'anoxie sur les océans côtiers peu profonds. C'est simplement souvent le fait des épandages et des pesticides, ou en tout cas des fertilisants, qui ont été utilisés massivement. Oui, c'est ça. Donc depuis le milieu du siècle dernier, on a une augmentation considérable des fertilisants qui ont été utilisés dans l'agriculture, tout simplement parce qu'on a été capable de produire de manière industrielle de l'azote qui pouvait être consommé par les algues. Donc à partir du diazote, on savait fabriquer de l'ammonium. Et donc, en raison de cela, la quantité d'azote qui a été émise vers l'océan, et de phosphore aussi, a été multipliée par... augmenté de plus de 30% en l'espace de 30 ans. Donc ça a été énorme. Alors si vous combinez cela avec une ventilation des eaux qui parfois n'est pas importante, donc la ventilation, qu'est-ce que c'est ? C'est le brassage des eaux qui conduit à l'oxygénation des eaux suivant la verticale. À certaines périodes de l'année, l'océan a une faible ventilation, la zone côtière a une faible ventilation. Pourquoi ? Parce qu'elle est stratifiée. Donc ça veut dire qu'elle est constituée d'un empilement de couches d'eau de densité différente, des eaux plus légères et plus chaudes au-dessus, quand on est en été, par exemple, et que le réchauffement solaire va réchauffer la surface de l'eau, et des eaux plus denses en profondeur. Donc on a une stabilité et donc un mécanisme de mélange vertical qui est très faible. Et donc, cette ventilation est pauvre et ne sait pas le réoxygéner la colonne d'eau du fond, les eaux du fond, qui, elles, sont le site d'une consommation d'oxygène énorme pour dégrader la quantité de matière organique qui a été produite justement par la fertilisation des eaux. C'est-à-dire que concrètement, le fait d'avoir mis beaucoup de fertilisants et d'avoir déversé beaucoup de fertilisants dans la mer, ça a créé beaucoup d'algues qui ont consommé beaucoup d'oxygène et qui ont donc appauvri la mer en oxygène. C'est ça, tout à fait. Donc ces algues se sont développées. Ensuite, elles sédimentent parce qu'elles sont plus lourdes, donc elles coulent vers le fond. Et alors, elles s'accumulent sur le fond et là, elles sont dégradées par les bactéries qui vont alors utiliser beaucoup d'oxygène et l'oxygène va diminuer et s'il n'est pas remplacé justement par la ventilation verticale, il va diminuer en dessous de seuil critique pour les êtres qui vivent sur le fond. Ça, c'est pour les zones côtières. Que se passe-t-il à ce moment-là au large, Alors, au large, ce sont d'autres processus que l'on incrimine. On a parlé de la solubilité et de l'effet de la température sur la solubilité quand on a parlé du CO2. Là encore, le changement de solubilité qui est lié au réchauffement des eaux de surface va avoir un impact sur l'oxygénation de l'océan. Quand les eaux se réchauffent, la solubilité de l'oxygène diminue et donc les eaux de surface sont moins saturées en oxygène, ont moins d'oxygène et donc on va diminuer la quantité d'oxygène qu'on trouve dans l'océan à cause du réchauffement. Et le deuxième facteur qui est discuté aussi, alors quel est le rôle de ces deux facteurs, c'est en discussion dans la communauté scientifique, le deuxième facteur est un peu comme le racontait Marie-Laure, lié à la circulation de l'océan et à la ventilation, à la stratification de l'océan. On observe ou on s'attend avec le changement climatique, parce qu'on a des eaux plus chaudes en surface, donc des eaux moins denses, à une plus grande stratification, donc un mélange moins favorable entre les eaux de surface et les eaux de subsurface. Donc les eaux de surface qui sont riches en oxygène parce qu'elles sont au contact de l'atmosphère vont de façon moins favorable se mélanger avec les eaux de subsurface, et donc on a moins d'oxygène en subsurface, et c'est ce qu'on observe. Moins de brassage, comme vous l'expliquiez l'un de l'autre tout à l'heure, ça veut dire aujourd'hui que l'on constate des zones qu'on appelle, et ça fait un peu froid dans le dos, mais des zones mortes. J'ai pu lire par exemple que dans la mer Baltique, des zones qui, où on a pu déjà constater que bien, la vie finissait par étouffer littéralement, au sens propre du terme. Alors il faut faire attention quand on parle de zones mortes, parce que ces zones anoxiques, même, donc anoxiques ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc il y a aussi des zones sulfidiques, il n'y a pas d'oxygène, mais il y a aussi en plus du sulfide d'hydrogène. Dans ces zones sans oxygène, on peut avoir une activité microbienne très développée. Donc il y a que des bactéries qui se trouvent très bien sans oxygène. Bactéries anaérobies. Voilà, exactement. Donc au niveau de la biodiversité microbienne, ces zones sont généralement riches en biodiversité microbienne. Le problème, c'est pour la vie animale plus évoluée, qui eux ont besoin d'oxygène. Et lorsqu'il n'y en a pas suffisamment, certains peuvent s'adapter. Donc comment ? En changeant leur morphologie, en essayant d'optimiser la quantité d'oxygène qui peut être pompée dans le milieu ambiant. Il faut se rendre compte que dans certaines régions, la quantité d'oxygène est de l'ordre de plusieurs centaines de fois inférieure à ce qu'on trouve dans l'atmosphère. Donc ça vous donne une idée de l'efficacité que doivent déployer ces organismes pour pomper l'oxygène. Donc soit ils sont extrêmement efficaces, ils ont un métabolisme réduit, ou ils s'échappent, donc ils fuient la zone lorsqu'ils peuvent. Certains ne peuvent pas. Et dans ce cas-là, alors, c'est la mort, la maladie et la mort. Donc il y a eu des histoires comme ça, assez remarquables, qui ont conduit à la disparition de certains animaux. Et même, quand certains maillons disparaissent, c'est la chaîne alimentaire qui peut être impactée. Donc c'est ce qu'on a observé en mer Noire, où on a eu des phénomènes justement de désoxygénation sur le fond du plateau continental, suite à l'eutrophisation des eaux. Donc, c'est un autre processus que ce qui se passait dans le bassin profond avec la mer Méditerranée, donc c'est un peu différent. Et donc dans ce plateau continental de la mer Noire, il n'y a plus d'oxygène sur le fond, les moules ont disparu. Et comme les moules avaient un rôle de filtreur de la colonne d'eau, la clarté des eaux alors a diminué. Et du coup, tout ce qui était algues qui vivaient sur le fond ont disparu également. Donc ça a entraîné aussi un effet de cascade sur l'écosystème, avec des conséquences pour les populations qui vivaient justement de la culture de ces algues. On en a rencontré plusieurs, des exemples de bouleversement de la chaîne trophique comme ça, que ce soit en océan profond ou sur des zones côtières, avec des modifications effectivement, l'appauvrissement physique des colonnes d'eau qui font remonter par exemple à la surface des poissons mésopélagiques. Du coup, on se retrouve avec des phénomènes de pêche miraculeuse, mais la réalité c'est qu'en fait on est en train d'appauvrir tout le milieu, Laurent Bob. Oui, et donc ce qui est intéressant aussi de noter peut-être pour l'océan, c'est qu'on a des zones qui sont assez riches en oxygène et des zones très pauvres en oxygène, donc une très forte hétérogénéité des quantités d'oxygène dans l'océan. Et ça c'est d'abord naturel, et c'est parce que l'océan est peu mélangé. Dans l'atmosphère qui est très mélangée, on a la même concentration d'oxygène à peu près partout, et c'est pas du tout le cas dans l'océan. Donc on a des zones qui sont naturellement très pauvres, des zones qui sont naturellement plutôt riches, et ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on augmente potentiellement le nombre de sites où on va trouver des zones pauvres en oxygène avec des répercussions sur les écosystèmes et qui vont bouleverser l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'au haut niveau trophique. Pour parler d'autres bouleversements de la chaîne alimentaire, pour revenir un peu sur la question du CO2 qu'on évoquait tout à l'heure, puisque vous nous parliez, Laurent Bob, dans la première partie de cette émission, de la chaîne du carbone et localement des carbonates qui servent beaucoup d'organismes marins, des plus microscopiques aux plus grands, mais à se construire, à construire leur squelette, enfin bref, à se structurer. Or, le problème de l'augmentation du CO2 et de l'augmentation de l'acidité, c'est que ça change le moment où ces carbonates peuvent rester solides et finissent par se dissoudre dans l'eau à cause d'une eau un peu plus acide. Oui, c'est un peu paradoxal finalement. On rajoute du CO2, donc du carbone dans l'océan, et les organismes qui utilisent du carbone pour fabriquer leur squelette, leur coquille, leur test, ont plus de mal à le faire. Ce qui peut paraître paradoxal. Et en fait, c'est lié à cette chimie un peu complexe du carbone dans l'océan. Quand vous ajoutez du CO2, vous allez d'abord produire des ions H+, ce qui fait baisser le pH. C'est ça qui est responsable de l'acidification des océans. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez consommer des ions carbonates. Donc les ions carbonates, CO3 2- vont réagir avec le CO2 pour donner des ions bicarbonates, HCO3-. Donc c'est étonnant, on ajoute du CO2, mais on diminue la concentration de cet ion carbonaté, l'ion carbonate CO3 2-. Et c'est cet ion qui est utilisé par les organismes pour fabriquer leur coquille en calcaire, donc calcite ou aragonite. Et donc moins il y a d'ions CO3 2-, plus c'est dur de calcifier. Et dans certaines situations, on peut même se retrouver sous-saturé, c'est-à-dire que chimiquement, la calcite ou l'aragonite va se dissoudre. Donc imaginez un organisme qui est en train de fabriquer son squelette ou sa coquille, son test, et chimiquement, ce qu'il est en train de fabriquer se dissout à cause des conditions chimiques compliquées. Ça, on l'a déjà constaté, c'est ce qu'on appelle la profondeur de saturation. On a constaté justement des moments où cette profondeur de saturation qu'on connaît à peu près remonte petit à petit jusqu'à atteindre, pourquoi pas, la surface. Voilà, donc l'océan de façon naturelle est séparé en deux grands volumes. La surface, jusqu'à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mètres, ça dépend des bassins océaniques, où l'eau est sursaturée, donc il n'y a pas de dissolution chimique du carbonate de calcium, et puis l'océan profond qui est sous-saturé de façon naturelle. Ce qu'on a mis en évidence, un papier important d'il y a à peu près une quinzaine d'années, un peu moins, c'est qu'on avait déjà constaté une remontée de cet horizon de saturation, donc le volume d'eau sous-saturée augmente, et le volume des eaux sursaturées, donc qui sont plus favorables à la calcification, diminue. Et évidemment, tous les organismes calcaires, qui fabriquent des coquilles, des tests ou des squelettes en calcaire, qui vivent dans des eaux qui vont devenir sous-saturées, la vie va être plus compliquée pour ces organismes-là au cours des prochaines décennies. Ce que montrent les projections du cycle du carbone dans l'océan, c'est que cet horizon de saturation, alors pour l'aragonite, qui est une des formes du carbonate de calcium assez soluble, les projections montrent que cet horizon de saturation pourrait aller jusqu'à la surface dans certains bassins océaniques, en particulier en Arctique, dans le Pacifique Nord et puis dans l'océan Austral. Donc si l'horizon de saturation est en surface, ça veut dire que l'entièreté de la colonne d'eau est sous-saturée et qu'il n'y a plus de refuge pour ces organismes-là pour continuer à produire ces tests et coquilles calcaires. Et donc ça veut dire que derrière, comme on est tout en bas de la chaîne trophique, ça veut dire que finalement, toute cette colonne d'eau finit par s'appauvrir et par perdre petit à petit sa vie. Alors, c'est évidemment plus compliqué parce qu'on s'attaque au système biologique. Alors, on n'est pas seulement en bas de la chaîne trophique. Quand on parle d'organismes calcaires, on a effectivement des micro-algues, du phytoplancton, comme les coccolithophoridés, donc c'est un nom barbare. Je suis ravi de vous l'entendre dire parce que j'aurais été incapable de le faire. Voilà, mais on en a tous eu entre les mains. Parce que quand vous tenez un bâton de craie, la craie, donc cette roche, est produite à partir de ces tests, donc de ces coquilles, de ces microalgues qui ont été compactées. Donc ces microalgues, les coccolithophoridés, fabriquent un test calcaire et donc elles pourraient être sensibles à l'acidification de l'océan. Mais on a aussi d'autres organismes plus haut dans la chaîne trophique, des organismes zooplanctoniques, donc des tout petits animaux. Mais les coraux, par exemple, fabriquent aussi des squelettes en aragonite et donc ils sont sensibles à l'acidification. Donc on va trouver des organismes calcaires dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. Une question, alors on arrive dans les dernières minutes de cette émission, on n'a pas abordé mais volontairement toute la question des polluants plastiques parce que nous avions consacré une émission entière à cette question des plastiques océaniques dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Peut-être un mot, vous voulez dire tout de même un mot Laurent Bob de la question de l'appauvrissement des nutriments aussi puisqu'on parle de chaîne trophique. Oui, alors on a parlé de l'oxygène, on a parlé de l'acidification et du pH et de son impact sur la calcification par exemple. Une autre perturbation de la chimie de l'océan, vraisemblablement importante pour les décennies à venir, est liée à la réorganisation de la circulation, on a parlé de stratification, qui va avoir un impact sur la distribution des éléments nutritifs dans l'océan. Les nitrates, les phosphates et le fer, qui est un élément micronutritif indispensable à la production primaire par le phytoplancton. Et donc on peut imaginer qu'avec la stratification de l'océan, les éléments nutritifs qui sont très abondants en profondeur vont avoir plus de mal à remonter en surface. Et donc certains modèles climatiques projettent une augmentation des déserts océaniques, donc une augmentation de la limitation de la production du phytoplancton par l'absence de ces éléments nutritifs. Marie-Laure Grégoire. Oui, je voulais aussi réagir au niveau des modifications sur la chimie des océans. Le manque d'oxygène dans les régions où il n'y a pratiquement plus d'oxygène va aussi donner lieu à toute une série de réactions biogéochimiques qui n'ont pas lieu lorsque l'oxygène est là. C'est par exemple la dénitrification. Donc c'est la transformation des nitrates en d'abord nitrite et puis en protoxyde d'azote. Qui est un gaz qui a un effet de serre potentiel, et ensuite en diazote. Donc ça veut dire que ce phénomène de désoxygénation peut complètement aussi déséquilibrer, changer le cycle de l'azote dans l'océan. À cela s'ajoute le fait que lorsque vous avez des zones de minimum d'oxygène, vous pouvez avoir alors un relargage des phosphates du sédiment, et donc changer aussi le cycle du phosphore. Donc tous ces processus sont capables de changer la chimie de l'océan qui est stable depuis très longtemps et qui pourrait se trouver déstabilisée par toutes ces modifications. Et il faut savoir que le bilan global des éléments chimiques de l'océan, c'est le cas de l'oxygène, du phosphore, de l'azote, est relativement faible, comme on l'a déjà dit, et que donc des perturbations qui pourraient paraître assez réduites auraient le potentiel, sur des échelles de temps évidemment longue, mais aurait quand même le potentiel de déstabiliser le système et de changer la chimie du système de manière significative. Donc il faut être vigilant et attentif. Alors bien sûr, il faudra évoquer les remèdes. Alors le remède principal, hein, quand on lit toutes ces questions liées à la modification de la chimie de l'océan, c'est arrêter de produire du dioxyde de carbone. Je pense que tout le monde est d'accord. Plus on arrête, si on arrête de produire des gaz à effet de serre, a priori, on empêche ce type de transformation au fur et à mesure. Et puis réduire aussi le déversement de fertilisants directement dans la mer, dans l'océan, faire du recyclage, utiliser moins de fertilisants. Ça, ce sont les principales pistes. Une question qui se pose tout de même, c'est qu'on en parlait au tout début de cette émission. On dit que l'océan, c'est cette masse liquide gigantesque. On se dit que c'est un système qui est a priori un système solide, extrêmement stable du fait de son ampleur, du fait de sa profondeur, du fait de sa vasteté. Mais se pose une question sur la modification et sur ce qu'on appelle finalement des effets de seuil. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir une accélération parce qu'on aura atteint un effet, un point de seuil, un point critique? Et c'est très très discuté, me semble-t-il, Marie-Laure Grégoire, dans la communauté bien dans la communauté scientifique, océanologique, océanographique. Oui, c'est tout à fait quelque chose d'important. Il y a les effets de seuil et il y a aussi les effets de rétroaction. Et donc, par exemple, cette libération des éléments phosphates dans les zones de minimum d'oxygène est quelque chose qui peut complètement emballer la déstabilisation du système. Donc on sait pour le moment que le bilan est à l'équilibre, donc la quantité d'oxygène qui est amenée par ventilation compense exactement le besoin en oxygène par la respiration, qui est nécessaire par la respiration des eaux, quantité qui elle est déterminée par le niveau de photosynthèse qui est déterminé par l'apport de phosphore qui vient du fond. Donc il y a un équilibre ici pour le moment entre l'apport d'oxygène et l'apport de phosphore qui détermine la photosynthèse. Si on a justement cette augmentation des zones de désoxygénation, on peut changer alors le flux de phosphore qui arrive du fond vers les surfaces et donc changer alors cet équilibre. Donc Bon, il y a un phénomène d'emballement qui est tout à fait possible et auquel il faut être vigilant. Laurent Bob. Oui, il y a beaucoup de phénomènes non linéaires. Et donc les phénomènes non linéaires peuvent amener à des dépassements de seuil, par exemple, et à des bascules d'un régime du système à un autre régime du même système. Alors, on n'a pas parlé de l'absorption de carbone par l'océan, qui est aussi très non linéaire. Et c'est lié à la chimie du carbone dont on parlait tout à l'heure. En fait, quand le CO2 se dissout dans l'eau de mer, on consomme des ions carbonates, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, il y a de moins en moins d'ions carbonates pour tamponner le CO2 additionnel. Donc, au fur et à mesure qu'on attend, l'océan est moins capable d'absorber du CO2. Donc ça conduit à ce qu'on appelle une rétroaction positive, un peu du même type que celle que décrivait Marie-Laure. Plus vous mettez du CO2 dans l'atmosphère, moins l'océan est capable de pomper ce CO2 et plus la quantité de CO2 augmente rapidement dans l'atmosphère. Il y a un deuxième mécanisme de rétroaction qui est lié au réchauffement des eaux. Donc là encore, vous réchauffez les eaux, la solubilité du gaz diminue et donc votre océan est moins capable d'absorber du CO2. Le CO2 augmente plus vite dans l'atmosphère pour les mêmes émissions et donc ça se réchauffe plus vite, etc. etc. Donc on a de l'oxygène par ailleurs aussi. Voilà, et donc il y a un impact sur l'oxygène important. Donc on a ces phénomènes de rétroaction qui sont discutés, qui sont investigués en utilisant des modèles numériques, en essayant de regarder la façon dont se sont passées les choses dans le passé. Donc on a des moyens pour essayer de regarder ces rétroactions. Un autre phénomène de bascule ou de tipping point, c'est ce que disent les anglophones, est lié à la circulation océanique. On parlait de cette formation d'eau profonde qui régule à la fois le comportement thermique de l'océan, mais aussi le comportement chimique et biologique de l'océan. Et c'est un phénomène qui est très fin et qui va dépendre des différences de densité entre les eaux de surface et les eaux de fond. Et donc quand on réchauffe les eaux de surface, ou alors quand il y a plus de précipitations, c'est ce qui se passe aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, dans l'Atlantique Nord en particulier, on a des eaux moins denses qui vont plonger moins facilement. Et ça répond de façon très non linéaire au réchauffement. Donc ça, c'est un exemple de ce point de bascule. À quel moment est-ce que cette formation d'eau profonde va diminuer? Est-ce qu'une fois qu'elle diminue, est-ce qu'on n'est pas bloqué dans un régime très différent du régime actuel? Et la question, alors quand on parle de tipping point ou d'effet de seuil ou de point de bascule, on parle évidemment sur des échelles géologiques, mais là aussi par rapport à ce qu'on connaît, par rapport aux modèles qu'on peut observer du passé, on voit que, évidemment, ça ne va pas se passer en 2, en 10 ans, en 100 ans, on parle de au moins de centaines, voire de milliers d'années, mais c'est tout de même, et là, c'est quelque chose qui fait relativement... Ah, oui, non, Laurent Bob ? Oui, non, parce que finalement, on peut se poser la question de ce qu'il y avait dans l'accord de Paris, ou de ce qu'il y a dans l'accord de Paris, l'objectif des 2 degrés. Pourquoi 2 degrés ? Qu'est-ce qui se passe à 2 degrés de si spécifique ? Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4 finalement hein. Alors, il y a beaucoup de discussions sur ces 2 degrés, c'est à la fois une sorte de seuil symbolique qui a été proposé par les scientifiques et par les politiques, ou adopté par les politiques, mais derrière les 2 degrés, il y a des phénomènes à bascule qui ont été discutés par certains scientifiques. Alors, il y en a un qui n'est pas lié à l'océan, qui est lié à la déstabilisation des calottes polaires ou du Groenland. Si on dépasse 2 degrés, il y a encore des phénomènes non linéaires qui pourraient conduire à une déstabilisation à long terme du Groenland une fois qu'on dépasse 2 degrés. Et puis, il y a un autre processus important qui est lié à l'acidification des océans. Certains scientifiques ont expliqué qu'au-delà de 450 parties par million pour le CO2 dans l'atmosphère, ce qui correspond à peu près à 2 degrés, les coraux tropicaux auraient du mal à survivre à cette acidification. Et donc, là encore, on a un effet de seuil sur ces processus d'acidification et de réponse de la biologie à l'acidification. Donc, même sur quelques dizaines d'années, on a des processus non linéaires qui pourraient se mettre en place au cours des prochaines décennies. Je vous avais dit au début de cette émission que vous ne la finiriez pas forcément très optimiste. Et bien voilà, malheureusement, néanmoins, il y a encore quelques indices positifs dans tout cela. Laurent Bob en parlait tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler clairement et brillamment de cette chimie et de cette modification physico-biochimique des océans. Merci Marie-Laure Grégoire, merci Laurent Bob, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Ève Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Sarah Igemans, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine Artistes à l'œuvre, 6 créateurs au travail. C'est une série proposée toute cette semaine par Stéphane Bonnefoy et Anna Smuc. Tout à l'heure, après le journal de 18h à 18h20, la télé est-elle prête pour l'après-télé? Ce sera le débat du soir du Grain à Moudre proposé par Hervé Gardette. Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien demain, il sera question du futur de vos écrans lorsqu'il sera possible de les rouler, de les plier, de les ranger dans votre poche et de faire des avions en papier à vrac. Bref, on parlera des écrans pliables demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.